Les éditions de l'Avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden tels que rédigés par Michel Van Rue. Cycle 3, Libyopolis. Le fascicule allemand numéro 140, Un mort ne doit pas mourir, écrit par Clark Dalton en 1964, fut adapté en première partie du volume français numéro 62, Prisonnier du placement, paru chez Fleuve Noir en 1983. En octobre 2113, Perry Rodden quitte Harkonnen III et rejoint la Terre. Ils retrouvent Van Mathers et Kultatz. Ceux-ci affirment que les Loréens ont transformé les robots de Mechanica en Bioposis en leur adjoignant des blocs de protoplasme cellulaire, mais, à un certain moment, ceux-ci se retournèrent contre les Invisibles. Le but de Rodden est d'obtenir l'aide d'Ernst Ellert afin de s'emparer des radiants transformateurs à bord d'une nef Bioposie. Le corps du mutant se trouve toujours dans sa crypte, tandis que son esprit voyage à travers l'univers. Après 2 jours d'attente, le temps que le mutant sauve un peuple de la destruction, ils repartent pour Harkonnen III. Le Théodoric prend la direction de Frago et attire à l'écart plusieurs nefs Bioposis. Ernst Ellert projette son esprit et parvient à prendre sous contrôle un des vaisseaux. Il l'amène dans la direction de M13. Sur le vaisseau terrien, son corps commence à montrer des signes de décomposition. Tandis qu'Ernst Ellert garde sous son contrôle les 6 commandants de protoplasme, un commando pénètre à bord et récupère 2 radiants transformateurs. Le corps d'Ellert meurt, mais il continue à bouger. Il semble bien que les esprits des commandants de protoplasme ont pris son contrôle. L'esprit du mutant perd le contrôle et commence à se dissoudre à l'intérieur des cellules de protoplasme. La nef Bioposie s'entoure brusquement d'un écran de relativité et disparaît, emportant avec lui une partie du commando. Le Théodoric retourne sur Frago. La nef Bioposie retourne aussi près de la planète artificielle. Ellert parvient à reprendre le contrôle pour une courte période, permettant aux terriens, à bord, de fuir dans l'espace. Ils sont bientôt récupérés par le Théodoric. Ces blocs propulsion ayant été sabotés, la nef Bioposie dérive et plonge sur Frago. Quand les écrans de relativité entrent en collision, la nef explose et l'esprit d'Ellert est projeté dans l'univers. Son corps est enterré. Le fascicule allemand numéro 141, La station des Invisibles, écrit par Kurt Marr en 1964, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 62, Prisonnier du placement, paru chez Fleuve Noir en 1983. Molol, un anti, prêtre enseignant du culte de Baalol, s'enfuit de la planète Aptulad, la 4e planète du système d'Aptut. Pris en chasse par d'autres unités anti, il est abattu avant d'être récupéré par un navire franc-passeur. Ce dernier est attaqué, mais sauvé par l'intervention d'un croiseur terrien. Molol a juste le temps de prévenir que des étrangers sont apparus sur Aptulad et que toutes les civilisations de la Voie lactée sont menacées. Il meurt avant d'en dire plus. Nicky Quinto, le chef de la section 3, est informé et envoie en mission ses meilleurs agents. Lui-même prend place sur le vaisseau Eudoxie, qui prend en chasse un vieux vaisseau à bord duquel ont pris place Ron Landry, Larry Rundle, Lofty Patterson et Mitch Hannigan. Le navire s'écrase à la surface d'Aptulad après avoir permis aux commandos de s'infiltrer. Mitch Hannigan s'introduit dans la base, mais il est traqué par des anti. Il leur échappe facilement et est temporairement confronté à une créature invisible. Il aide ensuite ses trois compagnons à pénétrer dans la base. Il ne fait maintenant aucun doute, celle-ci abrite des lorrains. Enfin, un de leurs vaisseaux s'est posé, peu de temps auparavant, et a conclu un accord avec le Grand Baalon. Pour se débarrasser des terriens, les lorrains émettent mentalement un champ paralysant. Les agents de la section 3 capturent des anti, dont les pouvoirs neutralisent le champ. Ils font ensuite éruption parmi les lorrains et en enlèvent plusieurs. Ils doivent affronter les anti et sont mis en état d'infériorité. Ils réussissent à rejoindre leur chaloupe, mais tombent sur un piège des anti. Ils sont heureusement sauvés par Eudoxie, emportant avec eux trois prisonniers lorrains. Le fascicule allemand numéro 142, Agent de destruction, écrit par Kurt Brand en 1964, fut adapté en première partie du volume français numéro 63, Le monde au sans-soleil, paru chez Fleuve Noir en 1983. En février 2114, les Aconides sont furieux que Perry Rodden ne leur ait pas livré les plans du canon transformateur. Une faction hostile au Grand Conseil, alliée aux Anti, a mis au point un plan pour abattre l'Empire solaire. Sur Terre, une équipe travaille au développement des lunettes anti-flex qui doivent permettre de visualiser les lorrains. Pour cela, ils ont besoin des trois lorrains capturés sur Aptulad. Van Mathers vient voir l'émir, car ses facultés seront utiles pour faire des tests sur ces créatures. Le plan des Aconides se réalise, bien que le responsable soit assassiné par certains de ses hommes. 3000 lorrains arrivent sur Mars par le transmetteur d'Arpenis, et sont acheminés sur Terre avec la complicité du franc-passeur Kavzen. Une de leurs premières actions est d'abattre les trois prisonniers. Les lorrains se lancent ensuite dans une entreprise de terrorisme, s'attaquant plus particulièrement aux usines énergétiques. Désarmé face à ces envahisseurs invisibles, Perry Rodden ne voit qu'un moyen d'en venir à bout. Les Bioposis. Il demande à Atlan de partir pour Frago, demander leur aide. Le pingouin part bientôt pour le vide intergalactique. Pendant ce temps, la défense solaire remonte à la source de l'invasion et détermine la responsabilité des Aconides. Alors qu'il y a déjà des millions de morts sur Terre, le pingouin arrive sur Frago où, après plusieurs messages envoyés, Atlan et quelques compagnons montent à bord du neuf Bioposie qui met le cap sur la Terre. Là, des robots sont éjectés qui commencent à traquer sans pitié les lorrains et les éliminent tous. Les terriens à bord quittent alors le vaisseau. Le fascicule allemand numéro 143, Interdit aux humains, écrit par William Volz en 1964, ne fut pas traduit en français. Une équipe de scientifiques étudie les installations des êtres de Mechanica sur la planète Surprise à la recherche de moyens de repérer les Lorrains. Le 7 mars 2114, des nefs composites surgissent et attaquent la planète. L'escadre de surveillance terrienne est contrainte de prendre la fuite. Une nef Bioposi, touchée, s'effondre sur la planète, qui se brise sous son impact. Le personnel est évacué sur la planète, mais 5 personnes sont manquantes. Celles-ci, l'équipe du docteur Risenhaft, sont projetées par transmetteur sur une autre planète, bientôt baptisée Fossile. Ils sont accueillis par des robots identiques à ceux de Mechanica. Les indigènes de Fossile, plus tard baptisés Snoof, vivent à proximité d'une ville, protégés par des gardiens, en fait, des robots. Shuproit, l'un d'eux, emprunte la galerie qui mène jusqu'à la ville. Il est témoin de l'arrestation des terriens par les robots de la ville. Les robots ne reconnaissent que 2 formes de vie, la vie venue des étoiles et la vie mécanique. Emmett Lawden fait passer son groupe pour des mécaniques en mettant en avant la prothèse de Risenhaft. Ce dernier est étudié sous toutes les coutures par les robots qui libèrent finalement les humains. Ils sortent de la ville et s'approchent d'un ruisseau au-delà duquel vivent les Snoof. Terrien et Snoof s'entendent entre eux. Les indigènes de Fossile apprennent même quelques mots de la langue des Terriens. Les Terriens retournent clandestinement dans la ville en empruntant la galerie creusée par les Snoof et achevée par Shuproit. Ils trouvent un appareil permettant aux Bioposis de repérer les Lorrains. Les robots comprennent qu'ils se sont fait avoir et attaquent les intrus. Lawden coupe l'alimentation en énergie, leur permettant de fuir. Ils trouvent l'hypercom qu'ils utilisent après avoir remis l'énergie en marche. La station relais FS-491 reçoit le message et le transmet au Théodoric. Une escadre se rend immédiatement sur Fossile et récupère les scientifiques. Le fascicule allemand numéro 144, « Les robots se font prier », écrit par Kohashir en 1964, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 63, « Le monde au sans-soleil », paru chez Fleuve Noir en 1984. Atlan se trouve sur Arconis 3, où a lieu le lancement d'un nouveau super cuirassé qui porte son nom. Il est informé qu'un franc-passeur douteux exige de le voir, lui ou Perry Rodden, avec un message très important. Atlan et Rodden acceptent. L'homme, Bebo, affirme que quelqu'un lui a demandé d'apporter les coordonnées de rendez-vous. Les mutants étudient le franc-passeur et confirment que l'homme est sincère, bien que sa mémoire ait été bloquée. Ils trouvent une bande montrant Atlan à bord de la nef Bioposi, venu à l'aide des Terriens en février 2114. Il est maintenant certain que ce sont les Bioposis qui sont à l'origine de cette invitation. Rodden, Atlan et plusieurs hommes montent à bord du B-12, une véritable épave volante, et partent pour le point de rendez-vous, la planète Sumat. Là, il rencontre un Willy, une créature en forme de méduse, travaillant avec des Bioposis. La créature, paniquée, détruit le B-12. Les Terriens sont paralysés par les narco-radiants d'une nef composite et emportés à bord. À leur réveil, ils comprennent qu'ils ont affaire à des Bioposis non soumis au cerveau-robot hyper-impotronique. Il existe 2 unités de commandement. Un cerveau-robot et une concentration de tissus biologiques, le protoplasme central. Ils arrivent sur le monde principal des Bioposis, situé dans le vide intergalactique, et éclairé par de nombreux soleils atomiques. Il est baptisé le monde au sans-soleil. Site opposé, les terriens sont attaqués par les Bioposis sous le contrôle de l'infotronique. Ils sont amenés aux coupoles où se trouve le protoplasme central et apprennent l'histoire des Bioposis. 40 000 ans plus tôt, les Lorrains franchirent l'abîme entre les galaxies et découvrirent Outside. Ils contraignirent les Autochtones à construire des robots quasi parfaits. Ces robots furent modifiés sur la planète des Lorrains, du protoplasme étant couplé à l'impotronique, au moyen de l'interaction hypertoïctique. Ils devaient éprouver une haine envers toute forme de vie autre que les Lorrains. Le processus échoua et, au contraire, les Bioposis développèrent une haine farouche envers les Lorrains. Ils revinrent sur Mechanica, puis s'installèrent sur les franges de la Voie lactée. Les Lorrains dépeuplèrent ensuite Mechanica, mais les Bioposis avaient pris une totale indépendance. Le protoplasme central fit construire un cerveau-robot pour le soulager de ses charges. Un système, le dispositif de haine, fut construit pour insuffler au cerveau une haine envers les Lorrains, mais un rayonnement secondaire provoqua une haine envers toutes les formes de vie. Les Terriens détruisent le dispositif de haine, assurant ainsi une pleine collaboration avec les Bioposis. Un vaisseau les ramène ensuite sur Sumat, où ils sont récupérés par le Théodoric. Le fascicule allemand numéro 145, L'armée des fantômes, écrit par Clark Dalton en 1964, fut adapté en première partie du volume français numéro 64, Le planétoïde hanté, paru chez Fleuve Noir en 1984. En avril 2114, Perry Rodden se trouve sur Pluton, où il attend le Théodoric, qui vient de suivre une révision. Sur l'idée de Van Mathers, il a décidé d'aller demander l'aide des Barkonides. Il se rend ensuite sur Delos, à bord de sa nef amirale. L'immortel refuse de l'amener sur la planète vagabonde, comme il l'avait déjà fait par le passé, mais il lui fournit les coordonnées, loin dans le vide intergalactique. Durant 11 jours, le Théodoric traverse l'abîme jusqu'à atteindre les coordonnées fournies. Là, aucune trace de Barkonis, mais un planétoïde de 850 km de diamètre est découvert. Les analyses prouvent qu'il est cru. Une équipe sort en exploration. Peu à peu, l'équipage commence à se plaindre de maux de tête. D'étranges apparitions sont bientôt observées, rappelant des spectres transparents. Il s'avère vite que ces créatures, baptisées Luxides, se nourrissent d'énergie. Le Théodoric n'arrive plus à décoller. Un commando se téléporte à l'intérieur du planétoïde et découvre des installations mécaniques. À leur grande surprise, ils trouvent des Lorrains morts. La vérité se fait jour. Des Luxides sont originaires d'Andromède et les Lorrains les ont jadis enfermés dans de tels planétoïdes qu'ils ont envoyés contre la Voie lactée. Les Terriens trouvent enfin le moyen de se débarrasser de ces vampires suceurs d'énergie. Des rayons tracteurs attirent les Luxides et les convertisseurs calupéens les projettent dans l'hyperespace. Le Théodoric, bretouille, retourne sur Delos. Il s'avère que c'est volontairement que l'Immortel a envoyé les Terriens affronter les Luxides qui représentaient un danger pour lui. Le fascicule allemand numéro 146, Derrière le mur du temps, écrit par Kurt Mahr en 1964, ne fut pas traduit en français. Jerry Blanchard, un agent terrien en poste sur Sphinx, informe Harkonis qu'un vaisseau a quitté secrètement la planète des Aconides. Il parvient à transmettre son programme de vol avant d'être arrêté par les forces de police. la section 3 décide d'intervenir. Le vaisseau Iconid est parti pour la planète Tafor, dans une région peu dense en matière. La planète étant entre les mains des francs-passeurs, l'équipe de Ron Landry prend l'apparence de paria et simule un crash sur la planète le 25 juin 2114 avec le Tufats 12. Tandis que Mitch Hannigan se cache, Landry et le reste du commando sont capturés par les Iconides qui se sont emparés de la planète. L'Archic, un franc-passeur, rejoint les terriens dans leur cellule. Il les amène auprès de son patriarche. Ils construisent un piège hypnotique afin de pouvoir s'évader du bâtiment entre les mains des Iconides. L'opération réussit et l'Archic les conduit au village de son père. Il sait où est la nef bioposée. Mitch Hannigan sort de sa cachette et fait la connaissance de Eka, une femme franc-passeur. La femme l'amène jusqu'à son village. Depuis quelque temps, le robot a détecté la présence d'un champ extradimensionnel. Il se promène dans la vallée à la recherche de son origine. Ils sont attaqués et le robot joue l'inconscience pour se régénérer. L'Archic emmène les terriens évadés au Tufats 12, puis au village où il retrouve Mitch Hannigan. Celui-ci les informe que, depuis l'annulation du dispositif de haine, les bioposés s'attaquent férocement tout robot. Landry avertit Nicky Quinto, qui se trouve à bord du Fedoria, à proximité du système. Quinto lui ordonne de prendre contact avec les bioposés. Quand Landry appelle les bioposés, le champ protégeant le navire et le rendant invisible se dissout et le vaisseau apparaît. Les Iconides attaquent à ce moment, mais la nef bioposée intervient en faveur des terriens et détruit les assaillants. Le Fedoria se pose. Paro devient le nouveau chef des francs-passeurs sur Tafor. Les terriens apprennent que les Iconides ont attiré la nef bioposée sur Tafor et répondant à un appel des bioposés, cherchant à contacter Perry Rodden. Le Théodoric arrive et Rodden s'entretient avec les robots biopositroniques. Sur Sphinx, l'évasion de Jerry Blanchard est mise au point. Le fascicule allemand numéro 147, La folie des machines, écrit par William Boltz en 1964, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 64, Le planétoïde hanté, paru chez Fleuve Noir en 1984. Le croiseur Uppsala s'approche de Frago et constate que les robots s'affrontent entre eux sur la planète. Une équipe se pose à la surface et remarque qu'un groupe de robots se montre hostile, tandis que l'autre est indifférent ou ami. Perry Rodden se trouve dans le système de Tafor, où une nef composite a demandé à prendre contact avec lui. Le Stellark, ne voulant pas prendre de risques, c'est un commando composé de John Marshall, Ras Chubai, Tamayokida, Van Mathers et des docteurs Bryant et Risenhaf qui montent à bord afin de se rendre sur le monde au sans-soleil. Quatre autres nefs bioposis font leur apparition et forcent le vaisseau composite à fuir avant que le Théodoric ne les oblige à se retirer. Le commando terrien est secoué par la soudaine accélération suivie d'une transition. Le professeur Bryant est gravement blessé. La nef bioposis s'écrase sur une planète inconnue. Sur celle-ci, vit un peuple dont le summum de la technologie est la machine à vapeur qui joue un rôle important dans leur société. L'explosion due au crash de la nef bioposée sème l'effroi chez les habitants. Les bioposés sortent de leur vaisseau et commencent à semer la destruction chez les papinistes, nom donné aux indigènes, en s'attaquant aux machines à vapeur. Dans leur confusion, ils les prennent pour des bioposés non soumis au protoplasme. Le protoplasme du cerveau commandant de la nef meurt après avoir confirmé aux savants Van Maders et Risenhaft que la destruction du dispositif de haine a entraîné une instabilité de l'interaction hypertoïctique. Tandis que les autres terriens aident les papinistes, les deux savants utilisent l'hyperémateur de la nef pour appeler au secours. Le commando est finalement récupéré par des navires de l'astromarine solaire. Le fascicule allemand numéro 148, Saut dans l'intercosmos, écrit par Kurt Brand en 1964, fut adapté en première partie du volume français numéro 65, Le combat des sans-soleils, paru chez Fleuve Noir en 1984. En bordure de la Voie lactée, la station de repérage Globe 18 cherche à localiser le monde sans-soleil. En juillet 2014, elle détecte l'arrivée d'une nef bioposie pourchassée par des vaisseaux lorrains. Le cube fuit, ce qui dénote un comportement anormal. Le vaisseau Sosata se dirige vers Frago. La planète est en proie à un incendie atomique dû à la lutte entre les robots biophiles, soumis au protoplasme central, et robots biophobes, soumis à l'hyperhypotronique. Cinq vaisseaux lorrains apparaissent, tentant de détruire une nef composite. Le Sosata lui vient en aide. Un message est reçu du protoplasme central. Il demande l'aide de la vie réelle. Les terriens répondent afin qu'il envoie des vaisseaux sur Frago. La flotte de vaisseaux groupée autour du Théodoric part à destination de Frago. À leur arrivée, ils doivent affronter des lorrains. Deux nefs bioposis acceptent d'embarquer un commando terrien pour l'emmener sur le monde sans soleil. Deux vaisseaux, avec 3000 hommes à bord, embarquent, le X-1 et le Gauss. Un combat s'engage avec d'autres nefs bioposis, biophobes cette fois-ci. Quand ils arrivent sur le monde des bioposis, le contact est établi avec le protoplasme central après plusieurs essais. Le X-1 et le Gauss quittent leur hôte. Le Gauss se positionne à une année-lumière du monde au sans-soleil et envoie un signal de repérage. Le X-1, lui, se pose sur la planète. Le protoplasme central informe les terriens que l'hyperhypotronique a coupé son alimentation en oxygène. Les terriens sont obligés de faire face au combat incessant entre robots. Ils finissent quand même par rétablir l'alimentation en oxygène. Le protoplasme central reprend alors le contrôle sur l'hyperhypotronique et les combats cessent à la surface du monde au sans-soleil. Le contrôle est toutefois instable. C'est alors que, guidée par les signaux de repérage du Gauss, une flotte lorraine attaque le monde au sans-soleil. Le fascicule allemand numéro 149, Combat pour le monde au sans-soleil, écrit par Kurt Brand en 1964, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 65, Le combat des sans-soleils, paru chez Fleuve Noir en 1984. Alors que le Théodoric se dirige vers le monde au sans-soleil, attiré par les signaux de repérage du Gauss, plusieurs incidents se produisent à bord, dus à une usure du matériel. Le Gauss, attaqué par des lorrains, est contraint de prendre la fuite et rejoint le monde au sans-soleil. Son équipage est forcé de quitter le bord, le vaisseau n'étant plus qu'une épave. Sur le monde au sans-soleil, les réserves d'énergie du protoplasme central baissent de nouveau et l'hyperhypotronique reprend le dessus. Les combats entre robots reprennent. Les lorrains entreprennent de détruire les soleils un par un. L'hyperhypotronique les laisse faire, voyant en eux un moyen de se débarrasser du protoplasme et des terriens. L'équipe de terriens détermine que la cause du problème doit résider dans les liaisons entre les coupoles et le centre du protoplasme central. Le lieu où se produisent les pertes d'impulsion est trouvé après de longues recherches au cœur des combats. L'escadre de Reginald Bull arrive enfin près du monde sans soleil, mais elle est contrainte de se replier aussitôt dans notre espace devant les Lorrains. L'équipe de Van Manders répare enfin les blocs biopont principaux et le protoplasme central reprend définitivement le contrôle sur l'hyper-infotronique. Tout le monde sans soleil ouvre le feu sur les Lorrains qu'ils mettent en déroute. La paix revenue, Perry Rodden conclut un traité avec les Bioposis. Le protoplasme central fournit toutes les informations nécessaires sur les radiants transformateurs et Rodden s'engage à retrouver le monde d'origine du protoplasme dans Andromède. Les éditions de l'avenir vous ont présenté les résumés du cycle 3 des fascicules 140 à 149 des aventures de Perry Rodden, tel que rédigé par Michel Van Rue. Vous pouvez le trouver à rodden.stellarc.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sur contrat Creative Commons, Share Alike et est une production 2015 des éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.kenablog.com. Merci de votre attention. À bientôt.